les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 2013, le président de la République, François Hollande, annonçait son intention de faire entrer de nouvelles personnalités au Panthéon. Interrogé sur le sujet cette année-là, le 8 mars, à l'occasion de la Journée de la Femme, il avait déclaré qu'il était temps, je cite, « d'accueillir des femmes au Panthéon », institution qui, rappelons-le, n'en comptait alors que deux, Marie Curie, inhumée pour sa carrière scientifique avec son mari Pierre, et Sophie Berthelot, qui y repose en tant qu'épouse du scientifique Marcelin Berthelot, qu'elle assista dans ses recherches. Nombreuses furent les voix qui, cette année-là, plaidèrent pour l'entrée au Panthéon de Marie Gouze, dite Olympe de Gouges, née en 1748, morte guillotinée en 1793. Occasion saisie par Emmanuel Laurentin pour consacrer une semaine de la Fabrique de l'Histoire à cette personnalité qui fut l'auteur de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en septembre 1791. Dans le troisième volet de cette série, il était question plus généralement de la place des femmes dans l'histoire de la Révolution française. Posant le principe d'égalité pour tous les individus comme un fondement de la société, la Révolution avait ouvert la possibilité pour les femmes de revendiquer que ce principe fût appliqué rigoureusement, c'est-à-dire également pour elles-mêmes. Revendication bien vite rejetée par les révolutionnaires, qui, dans leur immense majorité, demeurèrent farouchement hostiles à l'entrée des femmes dans la sphère publique. Un paradoxe analysé par trois historiens dans cette émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 18 septembre 2013. Troisième temps de notre semaine consacrée à Olympe de Gouges et aux femmes pendant la Révolution française. Après avoir, avant-hier avec Benoît de Groux et hier dans le documentaire de Séverine Yatta et de Séverine Cassard que vous pouvez toujours écouter sur notre site bien entendu et télécharger également, évoquer le destin et l'œuvre d'Olympe de Gouges elle-même, nous allons ce matin élargir le spectre et nous intéresser à la place que la Révolution a laissée aux femmes, femmes du peuple ou femmes de l'élite, femmes en armes ou femmes pacifistes, révolutionnaires ou contre-révolutionnaires. Forcément, pendant cette heure fuseront donc des noms comme ceux de Thérouanne de Méricourt, de Madame Roland, de Pauline Léon, de Claire Lacombe ou encore de Madame de Stael, de Stael et pourquoi pas de Charlotte Corday. Nous le ferons avec Séverine Yattard qui a préparé cette semaine. Bonjour, avec madame. Nous et grâce aux textes qui seront lus par Nathalie Blanc, choisis et commentés par nos trois invités. Olivier Blanc, il est historien, auteur de plusieurs essais sur la Révolution, dont une biographie sur Olympe de Gouges. Dominique Godinot sera en duplex avec nous depuis les studios de France Bleu à Rennes. Elle est historienne, professeure d'histoire moderne à l'université de Rennes 2, spécialiste aussi des femmes du peuple pendant la Révolution française. Et Jean-Clément Martin sera également avec nous. Il est historien de la Révolution, ancien directeur de l'Institut d'histoire de la Révolution française, auteur de très nombreux ouvrages, plus récemment celui de la nouvelle histoire de la Révolution française, mais un peu plus avant, c'était il y a quelques années, une histoire chez Armand Collin qui s'intitulait « La révolte brisée, femmes dans la Révolution française et l'Empire ». Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc pour cette émission d'archives avec des lectures qui sont donc lues par Nathalie Blanc. Bonjour Nathalie Blanc. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et donc nous allons aujourd'hui débattre d'autres destins que de celui d'Olympe de Gouges, même si évidemment Olympe de Gouges sera présente dans cette discussion. Alors si on se pose la question de savoir si dès le 14 juillet 1789, les femmes ont une place dans cette Révolution française, quelle est-elle, Jean-Clément Martin ? Une place importante, une place qui est déjà très grande bien avant 1789. Et on sait qu'il y a des femmes qui se battent en 1789, le jour du 14 juillet. Il n'y en aura qu'une qui sera récompensée un an plus tard parmi les vainqueurs de la Bastille. C'est la femme Auxerne qui sera récompensée autant pour ses blessures d'ailleurs que pour son indigence, alors que elles ont joué un grand rôle. Et on est d'emblée dans le sujet qui nous occupe. La place des femmes visibles et l'invisibilité dans laquelle on les rejette immédiatement dans la vie politique. Ça commence comme ça. On pourrait aussi se poser la question, parce qu'Emmanuel dans son chapeau disait la place que la Révolution française a laissée aux femmes, la place que les femmes ont prise elles-mêmes. Ou n'ont pas pu prendre dans la Révolution française. Alors au niveau des actes, effectivement, on sait qu'elles ont pris une place, même à partir de 1788, lors de certaines émeutes, etc. Et puis après, on peut parler à un autre niveau, comme vous le disiez, Jean-Clément Martin, c'est-à-dire les femmes réfléchissent, les femmes intellectuelles peut-être réfléchissent à la question du gouvernement et de la monarchie. Mmh. Et ça depuis peut-être, enfin un certain temps, c'est à discuter Depuis tout le temps, mais au même moment, il y a une femme qui, en Vendée, est en train de travailler sur une très jeune femme, qui est en train de travailler sur les constitutions du royaume. Ça sera publié en 1792 et après la Restauration. Donc, qui est complètement oubliée, c'est Mademoiselle de Lézardière. Donc, la palette des femmes intervenant dans la vie politique est considérable. Et peu connue. Et très mal connue. Alors, parmi ces femmes qui se précipitent dans la rue dès le 14 juillet 1789, il y en a une dont le nom reviendra peut-être plusieurs fois dans notre discussion. Dominique Godinot, bonjour, vous êtes en duplex avec nous depuis Rennes. C'est le nom de Pauline Léon, donc chocolatière et fille de chocolatière. Elle est, je crois, dès le 14 juillet, parmi celles qui vont manifester et dans les jours qui suivent, monter des barricades, monter dans la rue, descendre dans la rue, en l'occurrence, Dominique Godinot. Qui est-elle ? Alors, Pauline Léon, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une. Elle est assez jeune, elle a une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans, fille d'une veuve chocolatière, et qui intervient dès le 14 juillet, mais qui va intervenir pendant tous les grands épisodes de la Révolution à Paris. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'intervient pas seulement seule, elle intervient avec d'autres femmes de son quartier. Mmh. Elles sont un petit groupe, en particulier elle a une amie cuisinière et elle est là donc le 14 juillet, elle est là, elles vont signer la pétition demandant la déchéance du roi le 17 juillet 91, elles font des pétitions, elles fréquentent les tribunes puisqu'elles n'ont pas le droit de s'inscrire, des clubs, des sociétés populaires. Et puis, Pauline Léon, 93, sera une des fondatrices du Club des citoyennes républicaines révolutionnaires. Donc ça, c'est un peu après plusieurs années après 89. Mais on peut dire qu'elle représente ces femmes parisiennes, on va dire, de milieux populaires, petite bourgeoisie, si vous voulez, qui sont intervenues dans les événements et pas seulement pour des questions de subsistance, comme on le dit encore souvent. Trop souvent, voilà, mais sont intervenues parce que elles aussi, elles réfléchissaient. Hein. Elles avaient des. Elles savaient écrire, au moins Pauline Léon, par exemple, et d'autres de ces femmes du peuple savaient écrire et donc savaient lire, pouvaient discuter, pouvaient débattre, participer au débat. En l'occurrence, c'est d'ailleurs une des choses sur laquelle vous avez toujours insisté dans vos travaux divers et variés, Dominique Godinot, sur le fait qu'on avait longtemps voulu voir d'un côté des femmes intellectuelles, et Olympe de Gouges en faisait partie, qui écrivait des textes et qui réfléchissait, comme le disait Jean-Clément Martin, à l'avenir du royaume, et puis de l'autre côté des femmes du peuple qui, elles, étaient agissantes, souvent sous la peur de la disette ou de la famine. Un peu turbulente. Et aucune relation entre les deux. Vous vous dites, il faut absolument dresser des passerelles entre ces catégories de femmes, Dominique Godinot. Voilà. Exactement, hein. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est vrai que ce sont les femmes des élites qui ont fait les textes d'abord les plus percutants, hein, ça c'est indéniable. Elles avaient le pouvoir de la parole. Ben voilà, elles avaient l'habitude d'écrire, bon, mais vous avez des femmes, et non seulement des militantes comme, parce qu'on peut dire c'est une militante, le terme est anachronique, mais c'est ce qu'est Pauline Léon, mais aussi on a des rapports des polices qui montrent des femmes qui ne savent peut-être pas écrire, mais qui sont au cabaret le soir et qui lisent en commun des discours, les discours qui ont été prononcés à l'Assemblée. Mmh. Hein, donc voilà. Jean-Clément Martin. Oui, moi je suis content qu'on mette d'emblée le débat à ce niveau-là, parce que il me semble que si on veut travailler, si on veut étudier, comprendre ce qui s'est passé autour des femmes qui interviennent dans la Révolution, et c'est vrai que je préfère dire les femmes qui interviennent plutôt que parler de militantes, parce que ça a un autre sens, et il faut aussi faire la place à toutes ces, entre guillemets, femmes du peuple, qui ne savent éventuellement pas lire et qui interviennent aussi et qui interviendront éventuellement même jusqu'au point d'être guillotinés. Et je pense notamment à ces femmes des campagnes qui ne savent pas lire du tout et qui interviendront pour des raisons religieuses, mais qui interviendront quand même. Donc, parlons large. Olivier Blanc, vous n'êtes pas encore intervenu. Je rappelle que vous êtes historien et spécialiste, entre autres, de l'œuvre de Olympe de Gouges. Alors, oui, je voudrais d'abord faire un distinguo entre l'histoire du féminisme et l'histoire politique des femmes. En général, on mélange un peu les deux. Alors, Olympe de Gouges est à cheval sur les deux. Elle laisse une œuvre féministe importante. Et puis, Sont les usages qu'on a pu faire de ce qu'elle a écrit. Voilà, comme Étapalme d'Alders. On est relativement bien documenté sur, justement, ces réclamations, ces pétitions de femmes pour revendiquant des droits nouveaux pour elles. En revanche, l'histoire politique des femmes, comme l'a souligné Jean-Clément Martin, est totalement à écrire, parce que il y a un véritable silence sur cette histoire qui est passionnante, qui est très riche d'enseignements. On voit que les femmes... Qu'est-ce que vous appelez l'histoire politique des femmes? Alors, comment vous... C'est les engagements. C'est les engagements politiques, quels qu'ils soient, et que l'on peut constater à travers les dossiers de la police politique, depuis le comité des recherches de 1791, sous la Constituante, jusque... bien au-delà de l'Empire, enfin, jusque sous la Restauration, il y a encore des femmes qui vont être arrêtées pour des motifs politiques. Alors, pour ce qui concerne la période révolutionnaire proprement dite, on a dans les fonds des comités de sûreté, de police et autres, des dossiers absolument intéressants qui montrent bien que l'engagement des femmes était complètement organisé, régulier, important. Et cela, des femmes, comme disait Dominique Godinot, appartenant à tous les milieux sociaux. Alors, premier texte va nous être lu par Nathalie Blanc, c'est celui d'Étapalme d'Aelder. Est-ce qu'on peut présenter Dominique Godinot, cette fondatrice d'un premier club, du premier club féminin parisien? Je crois que c'est en mars 1791. Elle est hollandaise. Qui est-elle? Oui, alors c'est effectivement une hollandaise qui a une vie assez mouvementée. Et qui fonde, alors je vais limiter à la période parisienne, elle fonde à Paris effectivement un club, le club des Amis de la Vérité, qui est un peu le pendant d'un club masculin, enfin des Amis sans eux de la Vérité, et un club dont on connaît pas grand chose, hein, mais qui est intervenu, ou en tout cas intervenu par la voix d'Étapalme, pour revendiquer, alors là on est dans l'histoire du féminisme, pour revendiquer l'égalité politique, enfin l'égalité de façon générale entre hommes et femmes, égalité politique et égalité d'éducation, voilà. Et puis il disparaît assez vite, on connaît pas grand chose de ce club. Discours donc d'Étapalme d'Aelders, le 3 janvier 1791, il nous est lu par Nathalie Blanc. La justice doit être la première vertu des hommes libres. Et la justice demande que les lois soient communes à tous les êtres, comme l'air et le soleil. Et cependant, partout, les lois sont en faveur des hommes, aux dépens des femmes, parce que partout, le pouvoir est en vos mains. Quoi des hommes libres? Un peuple éclairé consacrerait-il, dans un siècle de lumière et de philosophie, ce qui a été l'abus de la force dans un siècle d'ignorance? Soyez justes envers nous, messieurs, vous que la nature créa bien supérieure en force physique. Vous avez gardé pour vous toute la facilité du vice, tandis que nous, qui avons une existence si fragile, dont la somme des maux est énorme, vous nous avez donné toute la difficulté de la vertu en partage. Et cette formation délicate de la nature a gravé plus profondément votre injustice, puisqu'au lieu d'y suppléer par l'éducation et par des lois en notre faveur, il semble que l'on nous forme uniquement pour vos plaisirs, tandis qu'il serait si doux, si facile de nous associer à votre gloire. Les préjugés dont on a environné notre sexe, appuyés sur des lois injustes, qui ne nous accordent qu'une existence secondaire dans la société, et nous forcent souvent à l'humiliante nécessité de vaincre l'acariâtre ou féroce caractère d'un homme, qui par la cupidité de nos proches étant devenu notre maître, a fait changer pour nous le plus doux, le plus saint des devoirs, celui d'épouse et de mère, dans un pénible et affreux esclavage. « commentaire de ce discours d'État Palm d'Elders le 3 janvier 1791. On y entend existence secondaire, humiliante nécessité et également pénible et affreux esclavage, en l'occurrence Jean-Clément Martin. Oui, je pense que c'est un texte important. C'est vrai que c'est une femme qu'on connaît peu, qui représente pour une grande partie l'opinion commune des femmes, des élites de cette époque-là, c'est-à-dire qu'elles sont en quelque sorte féministes, mais dans un cadre relativement restreint, comme on pourrait dire aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'être reconnue comme épouse et comme mère dans le sein de la famille. Donc il y a là, je dirais, la première chose à dire. La deuxième chose qui me semble indispensable aussi à rappeler, parce que l'enjeu de ce genre de texte, il est un petit peu ailleurs. Antérieurement, avant la Révolution, des coutumes donnaient des libertés, des autonomies, des reconnaissances aux femmes. Je pense notamment aux veuves, que précisément la Révolution leur enlève. C'est-à-dire qu'il y a eu là, au moment de la création des lois, non pas une ouverture législative, mais une fermeture par rapport aux coutumes antérieures dans certaines régions. Donc, on est bien là, dans un double mouvement compliqué, les femmes qui réclament une autonomie limitée, dans un cadre nouveau qui est en train de les restreindre. Olivier Blanc, à propos de ce texte d'État Palm d'Elders. Alors, je voudrais réinscrire ce texte d'État Palm d'Elders et son club des Amis de la Vérité dans un contexte qui est plus ancien, qui nous renvoie à la fin du règne de Louis XV, au début du règne de Louis XVI, quand apparaissent les premiers clubs à Paris, en particulier dans le quartier du Palais Royal, Sur le modèle britannique, les loges maçonniques mixtes et le fameux lycée ou musée qui va permettre qu'une sorte de collège de France avant la lettre qui va permettre un enseignement laïque et auquel les femmes vont pouvoir participer. On était abonnés au lycée ou au musée. Et ces clubs vont être poursuivis par le pouvoir. En 1787, Louis XVI va tenter de faire fermer un de ces clubs, le club des arcades au Palais Royal. Mais à l'époque de la Révolution, le mouvement est lancé et on va voir de plus en plus d'initiatives de ce genre. Alors la première, c'est le portique français au club de la Révolution qui ouvre le 9 janvier 1790 et qui est un club mixte décrit assez drôlement par Rivarol dans les Actes des Apôtres, rapidement suivi par une proposition de lycée des femmes en 1790 également, qui va être proposée par un dénommé Arbeltier et probablement Pauline de Beaumont, la fille du ministre Montmorin, est derrière ce projet. Et puis, pratiquement au même moment, on va voir le cercle social d'où va naître le club des Amis de la Vérité de État Palm d'Elders. Et également en novembre 1790, la Société fraternelle des deux sexes qui va s'établir au club des Jacobins rue Saint-Honoré. Donc on a tout ce mouvement qui surgit vraiment dans les années 1790 et qui va libérer la parole des femmes de manière très spectaculaire. Séverine. Alors justement, cette parole des femmes, il y a la question évidemment de demandes spécifiques, de revendications spécifiques ou non dans un contexte de la Révolution où on est soi-disant entre guillemets dans le neutre, dans le site. Enfin, c'est le citoyen qui devrait regrouper. Alors évidemment qu'elles vont se heurter finalement. Ces femmes, enfin la parole, enfin ces réclamations, alors je sais pas justement, il faudra en discuter, une incompréhension, une non volonté de la part des révolutionnaires, une fermeture. Tout à fait. Olivier Blanc, Dominique Godinot aussi. La déclaration des droits de la femme n'a eu aucun écho politique, mais en même temps c'est révélateur d'une pensée très aboutie, d'une volonté. Les femmes de la fin du XVIIIe siècle, tout milieu confondu, étaient probablement beaucoup plus féministes entre guillemets, qu'elles l'ont été au XIXe siècle, ou en tout cas la société des Lumières, de la fin du siècle des Lumières, semble avoir été beaucoup plus ouverte aux droits des femmes en général. Et ça va être la guerre et le salut public qui vont en fait clore brutalement à fin 1793 ce mouvement. Dominique Godinot, est-ce que vous êtes d'accord sur ces questions et sur ces analyses justement? Oui, en partie, hein. C'est-à-dire que Séverine posait la question de pourquoi cette fermeture. Les arguments qui sont donnés à la fermeture dérivent directement des écrits du XVIIIe siècle et en particulier de Rousseau. Mais là où Olivier Blanc, là où je suis entièrement, où je suis d'accord avec Olivier Blanc, c'est que à mettre Rousseau en avant, c'est pas, on n'a pas tort, mais on oublie qu'il y a d'autres hommes du XVIIIe siècle qui, alors, avaient une ouverture dans la mesure où ils considéraient, comme pour eux, c'était une évidence qu'il y avait une égalité intellectuelle entre hommes et femmes. Et qui leur, alors, à qui vous pensez, à qui pensez-vous, par je exemple? Je pense à Condorcet, bien Condorcet, sûr, mais bien aussi sûr, Helvétius, ouais. D'Alembert. Il y a un discours, si vous voulez, on met souvent en avant le discours rousseauiste qui, lui, insiste sur le fait que les femmes doivent être, ne doivent être que mère et épouse, et qu'il y a des différences de nature entre mes femmes, et on a un autre discours qui insiste justement que les différences entre mes femmes sont avant tout culturelles, mm-hmm. et viennent notamment de l'éducation. Et alors, là où je mettrais un petit bémol, c'est quand Olivier Blanc assure que les hommes des Lumières défendent les droits des femmes. Oui, ils défendent les droits des femmes, mais pas les droits politiques, puisque la question ne se pose pas, mm-hmm. on va dire, avant la Révolution. C'est aussi là, cette nouveauté, c'est-à-dire le fait que désormais les Français ne sont plus des sujets, mais des citoyens porteurs de droits. Ça, la question de l'égalité entre hommes et femmes, qui se posait surtout en termes d'éducation, prend une autre résonance et va être posée autrement, et produire d'autres configurations, et donc aussi des refus assez violents, hein, bien sûr. Jean-Clément Martin, avant un deuxième texte. Je vous trouve tous les deux bien gentils pour la majorité des hommes, que je trouve misogynes, moi, carrément misogynes. C'est-à-dire que quand l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme dit tout simplement « Nul ne peut être bon citoyen s'il n'est pas bon fils, bon père, bon mari », et qu'on va interdire qu'on emploie le mot « citoyenne » avant 1793, pour parler des femmes dans les textes de loi, je veux bien tout ce que vous venez de dire. On ne veut pas des femmes dans la vie politique, on ne veut pas de la concurrence des femmes éduquées dans les assemblées, et on ne veut pas que les femmes qui participaient aux assemblées communales puissent participer à la gestion des biens des communes. Olivier, quand vous dites « on », qui est-ce? Parce que les Girondins sont particulièrement engagés pour ce qui concerne le droit des femmes. C'est eux quand même qui vont permettre la loi sur le divorce, qui est quand même essentiel pour les femmes, puisque ça va permettre à beaucoup de femmes battues d'échapper à leur sort. Donc ce programme des Girondins a été interrompu par les événements politiques de mai-juin 1793, mais certainement des gens comme Louvet, comme Langevinet, comme Guyomard, ce comme Condorcet et Charles de Villette, à qui j'ai consacré récemment un article, joue un rôle tout à fait mais la majorité pionnier des hommes, dans ce domaine. Alors, deuxième texte lu pour nous dans cette émission donc d'archives du mercredi autour de la question de la place des femmes dans la Révolution française, lu pour nous par Nathalie Blanc, un texte d'Olympe de Gouges, La fierté de l'innocence. Il date de septembre 1792 et elle condamne les massacres de septembre. Vous n'ignorez pas, citoyens, que je me suis attaché principalement à détourner l'orage d'un égarement populaire appelé sur la nation française. Mes écrits sont une prophétie exacte de tout ce qui s'est passé sous nos yeux. Que de mots j'aurais prévenu si l'on avait voulu m'écouter. Que de sang on aurait épargné si l'on avait voulu me croire. Et nous n'en serions pas moins républicains. Le sang, disent les féroces agitateurs, fait les révolutions. Le sang même des coupables, versé avec profusion et cruauté, souille éternellement ces révolutions, bouleverse tout à coup les cœurs, les esprits, les opinions. Et d'un système de gouvernement, on passe rapidement dans un autre. Alors, on voit bien dans ce texte, Olivier Blanc, entre autres, c'est l'assurance. D'une certaine manière, d'Olympe de Gouges, quand même, qui est donc ce personnage un peu central des femmes politiques sous la Révolution française. Pourquoi on ne m'a pas écouté? Voyez, j'avais raison. Enfin, ce qui n'est déjà pas rien de se positionner ainsi dans un texte écrit. Et puis peut-être on pourrait analyser cette posture, je ne sais pas, c'est à discuter. Olympe de Gouges, finalement, elle est proche des Girondins, mais elle n'est pas complètement affiliée aux Girondins. C'est aussi une femme autonome. Et est-ce que ça joue dans le fait qu'elle puisse prendre, justement, autant de liberté au niveau de ses dits et de ses écrits? Olivier Blanc. Oui, certainement, ses écrits et ses propos n'engagent qu'elle, mais la réalité, c'est qu'elle va très tôt s'insurger contre la démagogie et la violence. C'est une femme qui est sans arrêt appel à la modération. Elle imagine pas qu'on puisse aller dans des dérives sanglantes comme les massacres de septembre, et elle veut sans arrêt rappeler l'esprit de 89. Et elle oppose véritablement la révolution à la terreur. Et en effet, la question mérite toujours d'être posée, même si elle semble avoir été réglée dans l'esprit de beaucoup de gens. Il y a véritablement un divorce entre les républicains à visage humain qui réclament une république un peu sur le modèle de celle que nous avons aujourd'hui. Nous n'en serions pas moins républicains. Et voilà, exactement. Et c'est cet esprit-là qui a vraiment frappé les contemporains de l'homme de gauche, et c'est aussi pour cela qu'elle va mourir. Enfin. Jean-Clément Martin et Dominique Godineau. Oui, alors vous soulevez là des problèmes absolument considérables. La question de la violence. Oui, tout à fait. Bon, moi, je dois dire que je n'emploierai pas des mots comme ceux que vous venez de prendre. Les républicains à visage humain me gênent beaucoup. Dans la mesure ça rappelle la barbarie à visage humain. Voilà les droits de l'homme. Non, je veux dire tout simplement qu'une grande partie quand même de la violence révolutionnaire a été liée aux conditions, aux conflits et à des problème de liberté laissée à certains groupes, et il me semble pas que ça engage la République dans sa totalité. C'est-à-dire que dans ce combat-là, effectivement, l'homme de gauche comme d'autres, moi je pense à Madame Roland qui, pratiquement au même moment, condamne dans les mêmes termes et avec le même courage, parce qu'il en fallait beaucoup. Et qui mourra quasiment au même moment que l'homme de gauche, d'ailleurs. Mais en jouant un rôle politique. Sans rendre public ses écrits à ce moment-là, l'homme de gauche les rend publics. C'est vrai, mais en même temps, on voit bien que avec son mari derrière, ils prennent des responsabilités de condamner les massacres de septembre dès le 7 septembre. Donc, on a affaire là à tout un courant qui réfléchit effectivement sur cette question-là. Mais moi, il me semble que on est en quelque sorte là un petit peu à côté de ce qui se passe dans la majorité de la société française, parce que Olympe de Gouges, Madame Roland, Madame de Staël sont dans ces élites qui gouverne, qui commande, et je pense qu'au contraire, pour on a évoqué tout à l'heure Pauline Léon, Claire Lacombe, elles étaient, elles, dans la rue, et elles ont été, elles, confrontées directement à la violence, et elles ont été amenées à s'engager dans cette même violence, et je dirais, elles l'ont subi, et elles l'avaient accepté. Donc, opposer une république qui serait modérée à une république qui ne le serait pas, je pense qu'on passe un petit peu à côté de la complexité des choses. Alors, justement, sur ce point, Dominique Godineau, vous qui avez travaillé sur les citoyennes tricoteuses, les femmes du peuple à Paris, et parmi elles, il y a évidemment ces noms qui viennent d'être cités, donc Pauline Léon, on en a déjà parlé, ou encore donc Claire Lacombe, comédienne, qui sera engagée elle aussi un peu plus tard avec d'ailleurs Pauline Léon dans la création des citoyennes républicaines révolutionnaires en 1793. Sur cette question de la violence, une violence partagée par les hommes et par les femmes, à égalité, une volonté aussi de se battre, puisque certaines d'entre elles, comme Pauline Léon, vont demander la création d'une garde nationale féminine, de prendre les armes, d'avoir le droit, comme les hommes, de porter les armes et de se battre. Oui, absolument. Alors, c'est-à-dire que bon, il y a différentes choses. Violence partagée, oui. Bon, je crois que c'est pas voilà. Il n'y a pas d'essentialisation de femmes qui seraient contre la violence et d'autres qui et d'hommes qui seraient pour la violence en l'occurrence. Je ne pense pas. Peut-être certaines femmes se sont élevées contre la violence en mettant en avant parce qu'elles étaient en mettant en avant leur statut de femme qui les mettait aux yeux de l'époque du côté des sentiments. Hein. Bon, alors violence partagée, oui. À égalité, là, je pense qu'il faut être plus prudent, parce que d'abord, on revient à ce que disait Jean-Clément Martin aussi tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que il y a quand même une volonté de ne pas laisser les femmes pénétrer dans la sphère publique devenue politique et de partager les différents modes d'action, dont un est effectivement la violence. Et puis par ailleurs, alors il y a la question des armes. Des femmes ont demandé de se battre. Alors, il y a deux choses. Des femmes ont demandé de se battre et se sont engagées dans l'armée. Mmh. Se sont battues dans les armées pour défendre la République à l'armée. Donc ça, c'est fait d'un point. Enfin, ce sont des engagements individuels. Et puis, vous avez des femmes qui, en général, sont regroupées, qui demandent le droit de former la guerre, de former des gardes nationales. Absolument. Ou de voilà. Or, la garde nationale, il faut bien se rappeler que dans la conception de la citoyenneté, qui est encore une conception assez plastique à l'époque, la citoyenneté se caractérise par, bien entendu, le droit de choisir ses représentants qui vont faire les lois auxquelles on va obéir, mais également le droit de porter les armes dans la garde nationale. Donc, demander de former des gardes nationales, ça veut dire demander d'être citoyenne à plein droit, de plein droit. Peut-être pas de plein droit, mais au moins demander une entrée, je dirais, dans la citoyenneté. Et en même temps, parce que les choses sont complexes, ça relève aussi d'une volonté de défense de la patrie ou de lutte contre les Girondins, par exemple. Les citoyennes républicaines révolutionnaires veulent s'armer pour lutter contre les Girondins, parce qu'elles sont d'opinion opposée. Voilà. Alors donc, à propos de ces femmes qui prennent les armes, vous nous avez confié, Jean-Clément Martin, un décret qui porte que la citoyenne Pocheta a bien mérité de la patrie et qui lui accorde une pension de 300 livres, Nathalie Blanc. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de la guerre, duquel il résulte que Catherine Pocheta, jeune artiste, née dans le département de la Côte d'Or et domiciliée à Paris, section des Gravilliers, a donné des preuves éclatantes d'un courage héroïque et au-dessus de son sexe. Que le 10 août, elle a dirigé les canons qui ont foudroyé la tyrannie. Que depuis, elle a continué sans interruption ses services dans les armées de la République. Qu'elle s'est signalée dans les journées de Bossu, de GEMAP, où elle a aidé le brave 71e régiment à repousser celui de Cobourg. Qu'elle a reçu des blessures honorables et a eu son cheval tué sous elle. Qu'elle a obtenu, par son intrépidité et sa bonne conduite, le grade de sous-lieutenant dans la Légion des Ardennes. Déclare que Catherine Pocheta a bien mérité de la patrie. Décrète en outre qu'il lui sera payé une pension annuelle de 300 livres qui commencera à courir du premier de ce mois. Alors, ce texte date de juin 1793, Jean-Clément Martin. Que dit-il, en fait? Ah, c'est un beau texte, même s'il y a beaucoup d'ambiguïté, parce que féliciter une femme pour des actions, entre guillemets, au-dessus de son sexe, la formule, évidemment, fait sourire aujourd'hui, et marque aussi une mentalité. En revanche, ce qui est important dans ce texte, c'est que il renvoie à deux choses. La première chose, c'est, bon, Dominique Gonineau le sait bien parce qu'elle avait travaillé aussi là-dessus, qu'il y a eu, on ne sait pas, que 60, 80, 100 peut-être femmes qui se sont battues dans les armées de la République et que certaines ont d'ailleurs traversé toute la Révolution et même l'Empire, que quelques-unes sont devenues officiers, lieutenants. Catherine Pocheta n'est pas la seule. Donc on a affaire là une présence volontaire, quoique individuelle. La deuxième chose, c'est que ces femmes ont été reconnues. Elles ont eu des pensions, souvent quand même pour invalidité, pour infirmité, etc. Mais la troisième chose, c'est que ces pensions qui leur ont été attribuées l'étaient au moment où, sous la pression des sans-culottes et sous la pression, alors qu'ils sont pas unanimes, c'est vrai, et d'une partie de la montagne, on est en train par des lois d'éjecter ces femmes de l'armée. À partir de la fin 1793, en théorie, il n'y a plus de femmes dans les armées, sauf quand elles sont vivantes d'hier. Ce qui, au passage, ne change pas forcément les rôles, mais elles ne peuvent pas être officiers, par exemple. Donc on est dans cette espèce de jeu de balance compliqué où on les reconnaît, où on les exclut, et moi j'insisterai sur un point sur lequel on n'insiste peut-être pas assez, c'est que à côté des lois, il y a bien des communautés de la Légion des Ardennes, mais on va le trouver partout, d'individus qui acceptent tout simplement de se battre au besoin sous les ordres des femmes. Et ça me semble pas si négligeable que ça. Dans la contre-révolution, au passage, pas de problème, les femmes nobles commandent, les femmes les plus hardies se battent, et personne ne les ennuie. Mais ce que ne veut pas en fait les révolutionnaires, les hommes, hein, c'est généraliser. C'est-à-dire, on voit vraiment qu'on est dans un processus de l'exception confirme l'exclusion des femmes d'une certaine manière. C'est-à-dire, les quelques-unes qui se sont battues, certes, on reconnaît, on fait un décret, elles auront une pension, mais on s'arrête là. Et c'est bien ce qui va se passer justement après 93. Olivier Blanc, puis Dominique Gonineau. C'est une reconnaissance très éphémère, hein, parce que dès le mois d'octobre, Fabre d'Églantine va nous parler des grenadiers femelles, des chevalières errantes, des filles émancipées et des aventurières. Et puis Amar va emboîter le pas avec son fameux rapport du Neuf Brumaire, dans lequel il va dire « Les femmes ont-elles des droits politiques ?» Non. Donc on leur interdit de se réunir entre elles. Et la Convention va donc entériner les choses. Et dès la fin 1793, on va voir successivement interdiction aux femmes de se rassembler entre elles, fermeture des anciennes académies où les femmes avaient eu un début de reconnaissance pour leurs talents autres que les talents domestiques. Et également, on va leur interdire l'accès à la salle du conseil à la commune de Paris. Mmh. La commune de Paris va être particulièrement misogyne. Les montagnards sont d'une grande violence, justement, avec maintenant, à partir de ce moment-là, avec toutes les femmes qui prétendent prendre la parole publiquement. Et il va y avoir la fameuse sortie de Chaumette. Dont on va y venir tout à l'heure. Dominique Godinot, à ce propos, ce moment un peu, cette parenthèse, pourrait-on dire, d'après ce que je crois comprendre de ce qui est dit par nos autres intervenants, cette parenthèse qui va se refermer aux alentours de la fin de 1793, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, avant la fin de cette parenthèse? Alors, comment dire? D'abord, je crois que je voudrais souligner ce qu'a dit Jean-Clément Martin, c'est-à-dire que d'une part, c'est en théorie, les femmes n'ont plus le droit de servir à l'armée, et par ailleurs, elles continuent à se battre, et d'après les témoignages qu'on peut avoir sur place, elles sont comme, elles sont assez acceptées, quoi. Enfin, elles se battent comme les autres, quoi. Mmh. Voilà. Bref. Mais pour la question de la fermeture, enfin, et notamment de l'interdiction des clubs de femmes et du fameux rapport Amar, hein, qui non seulement interdit les clubs de femmes. Alors, expliquez pour nos auditeurs le fameux rapport Amar, parce qu'il faut le resituer historiquement, peut-être. D'accord. Le rapport, c'est un rapport fait par un député nommé Amar au nom du comité de sûreté générale à la suite d'une rixe entre femmes qu'il y a eu dans les rues de Paris entre le club des citoyennes républicaines révolutionnaires et des marchandes des Halles. Et un club qui pose au départ la question de l'existence, les femmes peuvent-elles se réunir en société, mmh. donc en club, qui répond par négative, et qui dit, bon, cette question est tellement importante qu'il faut la poser dans un cadre plus large, et qui pose, et c'est la seule fois où il est longuement posé à l'Assemblée, enfin, dans un long rapport, la question des droits politiques des femmes, peuvent-elles exercer les droits politiques? La réponse, c'est, tout le monde la connaît, non. Alors, ce que je crois, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce rapport, il n'arrive pas comme ça dans un ciel serein. Hein. Mmh. À mon sens, hein, c'est mon analyse, il arrive à ce moment-là parce que les demandes de femmes, qui étaient évidemment très très minoritaires, hein, et qui ne sont pas nécessairement des demandes de citoyenneté pleine et entière, mais au moins d'intervenir dans la vie politique, de participer à la res publica, à la se font plus pressantes peut-être. Voilà, et elles se font plus pressantes, plus entendues, plus audibles, je dirais. Tout à l'heure, Jean-Clément Martin a parlé d'invisibilité. Il y a un moment pendant l'été 93 où cette invisibilité est un peu battue en brèche. Mmh. Et d'ailleurs, un exemple que vous nous avez fourni, Dominique Godinot, ce texte « Nous ne sommes pas des animaux domestiques, la parole aux citoyennes républicaines révolutionnaires » lu par Nathalie Blanc. Le 12 mai 1793, au Club des Jacobins. Représentants, il faut des mesures promptes et vigoureuses pour sauver la patrie. Tandis que nos maris seront aux frontières, les ennemis du dedans égorgeront leurs femmes et leurs enfants. Tendre mère, voulez-vous voir vos enfants égorgés dans vos bras? Levez-vous donc, et pour les sauver, demandez qu'on extermine tous les scélérats. Arrêtez, désarmez vous-même tous les citoyens suspects. Que des compagnies d'Amazones se forment pour combattre les ennemis de l'intérieur. Nous avons arrêté que toutes les femmes, depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 50, se formeront en corps d'armée et qu'elles arboreront la cocarde tricolore. Nous allons faire une collecte pour armer les femmes des sans-culottes qui n'auront pas les moyens de se procurer des armes. Il faut que toutes les femmes signent une pétition que nous allons leur présenter et qu'elles viennent se réunir en masse avec nous pour sauver la patrie. Nous voulons que désormais le seul bonnet des femmes soit celui de la liberté. La citoyenne prononce en sanglots ces mots. Nous sauverons la patrie, citoyens. Ne croyez pas nous décourager. Séverine Yatin. Je crois, Dominique Godineau, qu'en fait, la citoyenne qui prononce en sanglote à la fin de sa diatribe, parce qu'en fait, il y a de l'agitation au moment où elle prononce ce discours, et une agitation qui provient des hommes, parce que là, vraiment, on voit l'enjeu, la question du port des armes, la question de l'implication des femmes à défendre la patrie. Et c'est, d'un point de vue plus philosophique presque, c'est là que se joue en fait toute la problématique qui suivra après au 19e siècle et au 20e siècle et encore sans doute aujourd'hui. Oui, oui. Il faut préciser peut-être que ce discours a été prononcé par les Suènes républicaines révolutionnaires, donc qui viennent de... Elles annoncent la création du club aux Jacobins. Donc Pauline Léon, Claire Lacombe et d'autres, c'est cela. Voilà, c'est ça. Et l'oratrice, on ne sait pas qui c'est, effectivement termine en pleurant parce que le procès-verbal de la séance assure que à plusieurs reprises, quand elle dit bon, nous allons défendre la patrie, nous voulons défendre la patrie, tout se passe très bien, on les applaudit. Mm-hmm. Et quand elle dit nous voulons prendre les armes pour cela et les femmes garderont l'intérieur pendant que les femmes se battront à l'extérieur, là ça ne va plus du tout et le procès-verbal indique bruit, bruit, bruit, donc elle a été probablement très très mal accueillie. Alors il y a un mot qui revient, qui nous rappelle qu'il y avait une autre citoyenne révolutionnaire très connue qui s'appelle Théroigne de Méricourt. Il y a le mot d'Amazon, Jean-Clément Martin, c'est quoi ces compagnies d'Amazon qui devraient se lever? Amazon, c'était un terme qu'on utilisait pendant la Révolution pour évoquer ces femmes qui se battaient, Surtout pour les critiquer. Mais moi j'ai envie de faire dévier un peu le débat, parce que il me semble que d'un côté il y a quelque chose qui est au cœur, c'est cette misogynie qui s'exprime vraiment clairement et beaucoup plus qu'auparavant dans la née de la rivalité entre les hommes et les femmes au même moment. Et ça, je crois que là, les hommes ne le supportent pas. Mais aussi, en même temps, il me semble qu'il y a quelque chose qui se passe et sur quoi il faut insister. C'est pas pour justifier la politique des hommes. C'est tout simplement l'évolution des armées est considérable. Dans les armées de l'Ancien Régime, le soldat est protégé, on veut pas le tuer, il coûte trop cher, et les armées sont familiales. Il y a donc des femmes et des enfants dans les armées. Ce qui se passe à partir de 1792, c'est au contraire d'élever en masse successive et un emploi de la force directe. C'est-à-dire là, la peau du soldat ne commence à ne plus rien valoir, ce qui explique les tueries napoléoniennes. À ce moment-là, on a besoin de quoi? De types qui courent avec des piques et des fusils, et les femmes et les enfants encombrent les armées. Donc on rentre là dans une autre logique de la guerre. Qui est-ce qu'on a appelé à tort? Mais enfin, admettons-le, une guerre totale qui fait que les femmes n'ont plus la place qu'elles pouvaient occuper avant. Olivier Blanc. Moi, je trouve que la participation des femmes aux faits militaires est relativement marginale par rapport à l'engagement des femmes dans les résistances à la terreur, en particulier, où effectivement on voit des femmes royalistes ou girondines, enfin dites contre-révolutionnaires, mais le mot a pas beaucoup de sens parce que contre-révolutionnaire. Oh ben, Jean-Clément Martin a fait dictionnaire de la contre-révolution. Je suis d'accord. Il faut dire chose. Mais c'est tellement compliqué. Il veut dire beaucoup de choses. On est révolutionnaire en 1789 par rapport à Versailles, en 91 on est révolutionnaire par rapport à etc. Enfin, chaque année les notions changent. Mais ce que je veux dire, c'est que le combat des femmes est mal connu, et celui en fait qu'elles ont livré souvent dans l'ombre, dans les résistances en fait. Et dans les résistances à la terreur, on va voir un certain nombre de femmes, par exemple journalistes ou éditrices comme la veuve Lesclapart ou Aimée Leroy qui dirige un journal royaliste, ou Marie-Anne Concarneau, qui est une girondine, épouse d'un ancien collaborateur de Camille Desmoulins, et qui fait de la distribution de journaux, qui va être arrêtée. Ça va donner lieu d'ailleurs à un débat à la Convention pour la faire libérer, mais elle sera arrêtée à nouveau et exécutée avec son mari. Donc c'est toutes ces femmes de l'ombre, en fait, jouent un rôle très intéressant, et je regrette qu'on n'ait pas mis... qu'il n'y ait pas de chantier ouvert à leur sujet, véritablement, en fait. Mm-hmm. Jean-Clément Martin et Dominique Godineau sur ce regret. Les femmes presque de... une prosopographie des révolutionnaires femmes d'une certaine façon. Des révolutionnaires et des contre-révolutionnaires. Et des contre-révolutionnaires, effectivement. Il y a une chose que bon, deux choses brièvement. Il y a eu l'existence d'un dictionnaire des femmes engagées dans les armées qui a été fait par une générale américaine, Rena Pennington, qui présente justement un certain nombre de ces femmes militantes, de ces femmes guerrières. Je veux dire que j'ai participé à ce dictionnaire. Donc quelque part, ça a été fait un tout petit peu. La deuxième chose sur les femmes de l'ombre. Bon, j'ai suffisamment parlé de la Vendée, mais aussi des femmes tout simplement clandestines dans la ville de Lyon, par exemple, qui organisait la Société des Charlottes pour dire que on les connaît quand même. Elles ne sont pas ignorées de l'histoire, même si certainement, vous avez raison là-dessus, on leur donne pas sans doute la place qui leur revient. Et j'ajouterais que ces femmes de l'ombre ont payé un très lourd tribut. Et je pense qu'il faut vraiment aujourd'hui encore y penser, comprendre à quel point ça marque les mémoires et que ça devrait certainement nous inciter à des prudences dans les commémorations. Dominique Godineau. Oui, alors sur ce point, je reviendrai sur un mot qui avait été prononcé, c'est-à-dire le mot religion. En province, alors c'est moins vrai à Paris, mais en province, vous avez un engagement et qui là peut-être est plus fort hein, plus du côté des femmes que des hommes pour défendre la religion traditionnelles, on va dire. C'est-à-dire, elles sont souvent tête des émeutes religieuses, elles vont cacher des prêtres, etc. Donc, effectivement, mais bon, là aussi, il commence à y avoir des travaux, c'est quand même pas inconnu. Mmh. Et alors, je voudrais revenir quand même sur un autre point qui est, non pas la question de l'armée, parce qu'après, bon, c'est vrai que c'est une question symbolique extrêmement importante, oui. Le port des armes, parce que ça touche aux politiques, ça touche aussi aux représentations, c'est quand même un apanage masculin, le fait de l'arme. Oui. Bon. C'est vrai aussi que les femmes qui sont battues étaient quand même pas une minorité. Mmh. En revanche, sur la question de l'interdiction des clubs, et surtout pourquoi vouloir exclure les femmes des droits politiques. En tout cas, ne pas leur en permettre l'exercice. Je disais tout à l'heure, elles sont en 93, elles deviennent plus visibles. Donc, si vous voulez, si c'est en octobre 93 qu'a lieu pour la première fois est posée à l'Assemblée ouvertement la question des droits politiques des femmes, c'est parce qu'il fallait répondre, et répondre de façon négative. À une pression. À une pression, à des revendications qui étaient plus visibles, si vous voulez. Et puis, je voudrais aussi revenir sur un point. On a beaucoup dit les Girondins auraient défendu les droits des femmes et donc, à part un peu la négative, les Montagnards auraient été, eux, affreusement misogynes. Ce ne sont pas les Montagnards. Hein. De la même façon que ce ne sont pas les Girondins. Mmh. Il y a des Girondins et des Montagnards. Ouais. Voilà. Même Condorcet qui a fait un texte magnifique, quand Condorcet a rédigé une proposition de constitution, il n'y a pas un mot sur les femmes dans sa constitution, la place des femmes donc dans l'organisation politique. Alors qu'inversement, le seul qui, à ma connaissance, à l'intérieur de l'Assemblée, d'une Assemblée nationale, posé la question du droit de vote des femmes, c'est Rome qui est un montagnard. Donc c'est pas pour non plus dire les montagnards étaient ceci, les Girondins étaient cela, c'est pour dire que les choses sont beaucoup plus complexes, ce sont des individualités. Voilà. Alors justement, parmi ces individualités, on a cité son nom tout à l'heure, Pierre Gaspard Chaumette, procureur de la Commune de Paris, donc le 17 novembre 1793. Ce texte nous est lu par Nathalie Blanc. La loi ordonne de respecter les mœurs et de les faire respecter. Or, je les vois ici méprisées. Et depuis quand est-il décent de voir des femmes abandonner les soins pieux de leur ménage, le berceau de leurs enfants, pour venir sur les places publiques ? Est-ce aux hommes que la nature a confié les soins domestiques ? Non. Elle a dit à l'homme, sois homme. La chasse, le labourage, les soins politiques, voilà ton apanage. Elle a dit à la femme, sois femme. Les tendres soins dus à l'enfant, les détails du ménage, les douces inquiétudes de la maternité, voilà tes travaux. Tu règneras sur tout ce qui t'entoure par le charme invincible des grâces et de la vertu. Femmes impudentes qui voulaient devenir des hommes, n'êtes-vous pas assez bien partagées ? Que vous faut-il de plus ? Votre despotisme est le seul que nos forces ne peuvent abattre, parce qu'il est celui de l'amour. Rappelez-vous cette femme hautaine, d'un époux sot et perfide, la Roland, qui se crut propre à gouverner la République, et qui courut à sa perte. Rappelez-vous l'impudente Olympe de Gouges, qui abandonna les soins de son ménage pour se mêler de la République, et dont la tête est tombée sous les fers vengeurs des lois. Est-ce aux femmes à faire des motions ? Est-ce aux femmes à se mettre à la tête de nos armées ? S'il y eut une Jeanne d'Arc, c'est qu'il y eut un Charles VII. Si le sort de la France fut un jour entre les mains d'une femme, c'est qu'il y avait un roi qui n'avait pas la tête d'un homme et que ses sujets étaient au-dessous de rien. Fermons le banc donc avec Pierre Gaspard Chaumette le 17 novembre 1793, Olivier Blanc. Ben, on vient d'entendre un des sommets de la démagogie antiféministe, montagnarde, je suis désolé. Oui, moi je trouve que Dominique Godinot, quand vous dites effectivement on peut pas dire la misogynie est montagnarde, jacobine. Bon, il y a quelques exceptions, quelques hommes effectivement, mais enfin globalement on peut dire que les révolutionnaires masculins ne veulent pas que les femmes pénètrent ce milieu-là, et pour des raisons ça bouleverse trop leur vision de la société. Dominique Godinot. Oui. Absolument, hein, absolument. Les révolutionnaires. Les révolutionnaires. Les révolutionnaires. Et c'est vrai qu'il y a, bon, peut-être que, enfin, ceux qui ont, parlé, alors, en faveur de l'égalité des droits, c'est vraiment les contre les doigts d'une main, hein. Ils sont un, mettons, deux Girondins, trois Girondins, un Montagnard. Oui, voilà. En faveur de l'égalité des droits. Après, il y a ceux qui acceptent que les femmes participent à la vie politique, c'est autre chose. Oui, c'est certain, hein, c'est à la majorité des révolutionnaires. Je m'élevais tout à l'heure contre cette vision ancrée, et à mon avis à tort, c'est des Girondins féministes, des montagnards misogynes. Mmh. Les Girondins féministes, les montagnards misogynes. Mmh. Est-ce que je peux mettre tout le monde d'accord en disant que... Il connaît l'émission, il sait que ça, on arrive à notre terme. Donc, il va essayer de trouver la conclusion et d'emballer le tout. Une motion radicale socialiste pour dire que c'est pas tellement les révolutionnaires qui sont en cause que vraiment toute une époque dont on voit bien que la misogynie s'exprime de plus en plus au fur et à mesure des années. Olivier Blanc avait rappelé que les femmes jouaient un rôle sous l'Ancien Régime. On voit bien que la place des femmes ne cesse de diminuer, et que celui qui voudra vraiment aussi enfin la contraindre, cette place des femmes, c'est pas un révolutionnaire ou c'est la fin de la révolution, c'est Bonaparte et Napoléon qui contrôlera jusqu'à la profondeur des décolletés et la taille des revers des robes. Donc, en engageant d'ailleurs la France dans ce 19e siècle puritain. Donc, la révolution là sert de moment où cette misogynie, où ce problème de rivalité politique se pose, et c'est vrai qu'on a toujours tendance à tout voir ensemble et à transformer les problèmes sociaux en lecture politique, mais là, l'anthropologie est fondamentale, la misogynie est grandissante et les rivalités sociales sont essentielles. Mmh. Olivier Blanc. Ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'en fait, le féminisme avant la lettre, surtout le fait en 1789 de la bourgeoisie éclairée, éduquée, et les nouvelles élites qui sont issues de la petite bourgeoisie, députées de la Convention et du Directoire, pas toujours, mais quand même en grand nombre, c'est une nouvelle société, en fait, qui est beaucoup plus... finalement imprégné par les préceptes religieux. Oui, mais le peuple est là, et le peuple, il y a des femmes du peuple, comme l'a raconté très bien Dominique Godinot, donc il n'y a pas simplement grande bourgeoisie, petite bourgeoisie, ou aristocratie, grande bourgeoisie, petite bourgeoisie. Vous avez raison. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les choses se passent, c'est un peu par l'exemple. On voit bien dans la société sous Louis XVI, par exemple, pour la question du libertinage que j'ai étudié un peu, eh bien, on voit bien que ce sont les élites qui commencent à proposer certains modèles de liberté, on va dire, sur le plan des mœurs, et qui vont être peu à peu copiés. On le voit bien dans les liaisons dangereuses, les grands seigneurs, et petit à petit la bourgeoisie, la moyenne bourgeoisie, la petite bourgeoisie, et les mentalités finalement suivent. Pour ce qui concerne la place des femmes dans la société, les femmes de la bourgeoisie et de la noblesse sont des femmes éduquées et qui justement veulent des droits. Et il y a beaucoup de femmes nobles qui applaudissent à la révolution de 89 précisément pour obtenir ces droits, dont Madame de Staël et dont d'autres femmes de ces milieux-là. Un dernier mot, Dominique Godinot, avant de conclure. Oui, moi je dirais peut-être aussi que c'est... parce que là on a beaucoup parlé société, ancien régime, révolution. Il y a quand même une différence fondamentale au sens propre. C'est l'affirmation du principe d'égalité comme fondement de la société. Je dis bien du principe d'égalité, qui bouleverse tout. Parce que tant qu'on est dans un monde, l'ancien régime, où le fondement juridique, c'est l'inégalité, il peut y avoir des exceptions, etc. Là, tout d'un coup, s'il y a principe d'égalité posé comme un fondement et principe d'égalité, en théorie, pour tous les individus... On est pris à son propre piège, d'une certaine façon. Et voilà. Et comme, exactement. D'ailleurs... Et en même... Oui. Oui, en même temps, c'est là où c'est complexe, c'est-à-dire ça peut provoquer des crispations, enfin ça a provoqué certainement des crispations qui rentre peut-être dans un mouvement plus long, comme le disait Jean-Clément Martin, de misogynie. Mais en même temps, là où c'est complexe, c'est que ça ouvre la porte, parce que toutes les femmes, comme qui ont revendiqué leurs droits, d'Olympe de Gouges aux Tyrannes républicaines révolutionnaires, elles l'ont fait en mettant en avant ce principe d'égalité, qui désormais était le principe fondateur. Principe d'égalité que l'on retrouve également au sein de cette révolution à propos de la question de l'esclavage. Ça sera d'ailleurs notre thème demain pour conclure cette semaine autour d'Olympe de Gouges. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à Nathalie Blanc pour ses lectures. Merci à Olivier Blanc, qui est auteur d'une biographie de Marie-Olympe de Gouges, une humaniste à la fin du XVIIIe siècle, aux éditions René Viennet. On peut citer de vous, Jean-Clément Martin, votre nouvelle histoire de la Révolution française chez Perrin, mais également, c'est le cœur de votre ouvrage, donc Jean-Clément Martin, La révolte brisée, Femmes dans la Révolution française et l'Empire, chez Armand Collin. Et puis, quant à vous, en l'occurrence, Dominique Godinot, on peut trouver vos ouvrages, et les plus anciens, c'est Citoyenne tricoteuse, mais il y en a d'autres depuis, j'imagine. Oui. Alors après, j'avais travaillé sur d'autres thèmes, hein, et puis des articles qu'on peut trouver aussi. Citoyenne tricoteuse sur les femmes du peuple. Et puis, je crois que Marie Jo Bonnet a travaillé sur la question des femmes peintres pendant la Révolution. Merci à toutes et merci à tous. C'était La Fabrique de l'Histoire par Emmanuel Laurentin, Les femmes et la Révolution française, une émission réalisée par Séverine Cassard et diffusée pour la première fois sur France Culture le 18 septembre 2013. Réécoute et téléchargement sur le site de France Culture ou encore sur l'application Radio France.